faire la hagla. Rien dans les mains, rien dans les poches, faut pas être bête, get la hagla. Tito Masta et la rage en live. Fana et accro au rap, les vibes et les gars, ça peut pas en rester là. Pourquoi? Avec le mic et de la joie, on est sorti de l'anonymat. On parle pour les blacks, les blancs, les chinois, pour nos potes, nos meufs et nos familles. Quand les boosters et les caisses sont en phase, et j'aime ça. Où les sons se posent là, où on les attend pas. On reste fidèle au mic, fidèle à quoi. À nos potos, à nos racines, à nos lois et à nos scores. Fidèle à mes spliffs de Haya, fidèle à tout ce qu'on veut et ce qu'on aura. Fidèle à la voix qui guide mes pas, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime pas. Qu'est-ce qu'on va te foutre, mec, sur ce son? Tu te doutes que le délire, c'est de foutre le boxon. Ouais, foutre le dawa, foutre ta soirée dans tous ses états. Foutre le boxon dans tes sebas, fais péter le son dans ta gueule. Y'a pas de frontière entre bon MC. Fidèle au mic, faut que ça file de Mars à Vitry. Fidèle au mic, tout ou masse ta paf la rage, écoute ça. Fidèle au mic, fidèle au quoi? Fidèle au mic, y'a pas de frontière entre bon MC. Fidèle au mic, faut que ça file de Mars à Vitry. Fidèle au mic, tout ou masse ta paf la rage, écoute ça. Fidèle au mic, fidèle au quoi? Fidèle au mic. Ambiance fat pour les cosmos. Remonte ta veste, bombe le torse, gros cop de la basse cour, ramène des go. Ce beat c'est pour mes gars, ce beat c'est pour toi. Ce beat conçu par Alex, pour que tu la ramènes pas. Pas de fauteur sur ce track, Faf Farage et Doudou Masta sur le mic. Bang la tête, bang parce que si tu boots ça mec c'est dead. Bang parce que c'est le mot qui reflète et ça pète. Bad boy tringue, l'œil du tigon la truc de dingue. Même affamé on t'embringue, fidèle pas besoin qu'on m'engraine. On a ça dans le sang, ça sent, ça se ressent. Sans cesse laisse, on va se donner à 100%. Dans le hardcore sentiment, dans le hardcore tout simplement. Hold up dans le style, dans le flow, ta tête bouge automatiquement, mathématiquement. Faf, Doudou Masta, c'est tonitruante, plein fouet dans les dents. Surprenant, trop entraînant, sous nos tripes dedans. Secoue les ondes et les gimmicks, tomber les formes, les critiques. Mec, t'as plus de 20 ans de répandance, putain de titre. Alors tu vois ce que je veux dire maintenant, fils, faut que tu kiffes. Y'a pas de frontière entre bon MC. Fidèle au mic, faut que ça file de Mars à Vitry. Fidèle au mic, Doudou Masta, paf la rage, écoute ça. Fidèle au mic, fidèle au pas de mur pour enfoncer nos voix, fidèle au mic. Représente le peuple et les gars des hauts, le fidèle au mic. Même attaché, baïonné, enfermé, c'est fidèle au mic. La tête sous l'eau et même si pieds sous terre, on reste encore fidèle. Au mic, fidèle, quand tu trimes pour tes fans, fidèle au mic, fidèle au style, fidèle au freestyle, fidèle en vrai ou en vidéo, fidèle en studio, dans ta cité ou dans ta radio, fidèle à nos idéaux, fidèle à l'époque des caméos, à l'afro, à la stéréo, à Maurice au Gombo, tu sens cuisiner façon ghetto, fidèle au mic, hey yo. Parce qu'il y a trop de gringos qui sont barreaux. Fidèle à ça, fidèle à la Jora comme Faf. Comme à l'oseille que je prends quand je taffe, comme à la basse que tu prends quand on slash. Slash sur cette musique et arrache. Fidèle à ce qui te pète la tête, si tu fais bouger la tête. Fête de Vitré à Marseille, faut que tu mettes ce son dans ta fête. Fidèle, je te nique ça, je nique ça, nique ça, nique ça. Hey, putain de merde, c'est bon mec. Nique ça, quoi, t'as pissé ou quoi, ça déchire ou quoi. Y'a pas de frontière entre bon MC. Fidèle au mic, faut que ça file de Mars à Vitry. Fidèle au mic, tout masse, t'as pas flarage.